silence. Dans un monde inconnu, immobile et lointain. Et c'était Coleridge. Où tu étais morte, je me suis réveillé pour trouver ta chambre vide. Elle m'a quitté, oui ma sœur m'a quitté. Mes regards roulaient sur ton lit sans surveillance, comme des gouttes de pluie dans les tempêtes, incapable de franchir les murs et les plateformes. Elle m'a quitté, oui ma sœur m'a quitté. Mon père est monté les escaliers, étreint sans exprimer ses larmes, comme notre cœur avait besoin de tes petites mains pour palpiter. Le lendemain matin, je me suis réveillé découragé à cause d'un cauchemar où tu étais morte. Je me suis réveillé pour trouver ta chambre vide. Elle m'a quitté, oui ma sœur m'a quitté. Mes regards roulaient sur ton lit sans surveillance, comme des gouttes de pluie dans la tempête. La tempête de chambre vide, de mur et nu et nu. Mes regards roulaient sur ton lit sans surveillance, comme des gouttes de pluie dans la tempête. Incapable de franchir plateforme. Elle m'a quitté, oui ma sœur m'a quitté. Mon père est monté les escaliers et m'a étreint sans exprimer ses larmes, comme notre cœur avait besoin de tes petites mains pour palpiter.